Ah oui, c'est une vraie déception, tout à fait. Maintenant, comment expliquer ce mauvais résultat? Parce que c'est un mauvais résultat. Je pense qu'il y a une partie liée à la participation et que la faible participation a joué surtout, me semble-t-il, sur mon électorat. C'est mon hypothèse, il faudra essayer de la vérifier. Maintenant, il y a aussi un ensemble de voix qui se sont élevées, qui étaient opposées à ma politique et à ce que j'ai fait. Donc je ne peux pas parler de front anti-Venac, mais je pense qu'il y a eu quand même quelque chose un peu de cet ordre-là, où vraiment l'ensemble de mes opposants ont, sur une même ligne, dénoncé effectivement ma politique sur des sujets d'ailleurs assez différents. Donc tout ça s'est ajouté et effectivement en résulte ce résultat qui est un mauvais résultat, voilà, et que je ressens comme tel, et oui, c'est une déception. Écoutez, pour l'instant, je vais réfléchir ce soir quand même, hein, ce que peut être ce deuxième tour, s'il y en a un, toutefois, puisque vous savez que c'est une question qui est posée aujourd'hui. Voilà, donc je vais y réfléchir avec mes colistiers que je retrouve à l'instant, et donc voir ce qu'on peut faire sur cette deuxième partie de l'élection. Merci. Merci. Merci.